d'être là au milieu de ce bordel. Je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Au milieu de ce bordel, je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Si t'as pas tes papiers, tu seras expulsé. Si t'as pas ta Rolex, pour toi, je suis perplexe. Si t'as pas la bonne couleur, tu verras ta douleur. Si t'as pas la bonne adresse, tu l'auras dans les au milieu de ce bordel. Je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Au milieu de ce bordel, je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Travailler plus pour gagner plus. Oh, oui, mais moi, je suis déjà si fatigué. Oh, au milieu de ce bordel, je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Au milieu de ce bordel, je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Au milieu de ce bordel, je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Au milieu de ce bordel.